Troisième partie. Chapitre 1. Ce fut le dimanche suivant, en arrivant à Aigueblanche pour y déjeuner comme elle le faisait chaque semaine, qu'Élisabeth revit la jeune comtesse Rudengorff. Agathe était assise dans le jardin, devant les fenêtres du salon. Thierry, debout près d'elle, appuyait sa tête blonde sur ses genoux. Elle caressait les boucles légères du petit garçon, tout en suivant d'un regard attentif les mouvements des habitants d'Aigueblanche réunis dans le salon qui accueillaient Élisabeth et Adélaïde. Enfin, elle se leva et vint jusqu'à la porte-fenêtre. Sa voix douce, musicale, dit gaiement « Bonjour, Élisabeth !» Puis elle dévisagea la jeune fille qui se tenait devant elle, rapidement, furtivement. Ses lèvres eurent une torsion légère. Élisabeth, qui souriait quelques secondes auparavant en parlant à Catherine, avait maintenant une physionomie glacée. Réflexe de défense, comme autrefois devant Judith et cette même Agathe. Elle serra du bout des doigts la main souple, un peu courte, aux ongles nuancés de rose très pâle. Agathe dit avec un regard câlin « Je suis très contente que vous soyez à Montparou. J'avais très envie de vous revoir. » Vous n'avez cependant pas dû conserver un souvenir particulièrement agréable de nos relations. » La riposte, froide et railleuse, partait toute seule des lèvres d'Élisabeth. Vraiment, quelle singulière chose que cette Agathe excitât en elle tant de sentiments irritants dès qu'elle lui parlait, tout comme naguère. Agathe rit doucement. « Oh, c'est oublié cela! Vous n'êtes plus, je l'espère, la fillette pas très agréable de ce temps-là. Il ne faudrait pas vous y fier. Je n'ai pas un caractère facile en certains cas. Vraiment, et l'on vous a supporté à Morton Court ?» Cet air de plaisanterie ingénue, ce regard doucereux et presque naïf. Élisabeth sentait se crisper tout son être. « Très bien supporté, il y a la manière pour dompter les monstres de mon espèce. » Un rire bref, sarcastique, s'éleva derrière Élisabeth. « Vous feriez bien, Agathe, de laisser en paix ces réminiscences d'un temps où nous étions aveuglés par persuasion. Il serait difficile désormais de nous faire changer d'opinion. » Le frais visage d'Agathe, toujours aussi délicatement frais, parut se crisper un instant. Élisabeth, tournant la tête, regarda son cousin. Les yeux de Willibald, singulièrement foncés dans ce moment, s'attachaient sur la jeune femme avec une expression de dureté impérieuse. Agathe eut une moue semblable à celle d'un enfant prêt à pleurer. « Pourquoi voudrais-je vous en faire changer, mon ami? Ce que vous pensez est toujours le plus parfait à mes yeux. » Qu'elle était jolie et gracieuse, cette Agathe, dans sa robe d'un pâle vert d'eau, qui faisait paraître d'une si fine blancheur l'épiderme satiné des bras minces, du cou bien modelé qu'entourait un collier de perles. Quelle caressante, suave douceur dans ses prunelles levées sur Willibald. Mais le visage durci ne se détendit point. Par la suite, au cours du repas et quand on servit le café dans le jardin, Élisabeth put constater que cette attitude de Willibald envers sa femme demeurait immuable. Du reste, la présence d'Agathe semblait agir désagréablement sur tous. La joyeuse Catherine elle-même perdait une partie de son entrain. Mais Agathe, sereine, aimable, parlait de sa vie à Paris, de ses voyages avec sa mère et son beau-père. Élisabeth avait ainsi un aperçu de l'existence mondaine qu'ils menaient tous trois. Elle apprit que son père était souffrant depuis quelque temps et que le médecin avait conseillé une cure à Royat, où il se trouvait en ce moment avec sa femme. « Ils arriveront à Montparou dans une quinzaine de jours, » ajouta Agathe, « et y resteront jusqu'à la fin de juillet. Nous partirons ensuite pour la Baule. » Élisabeth pensa, « Judith, en plus de celle-ci, quelle misère !» Le soir de ce jour, vers 10 heures, Élisabeth sortit de la tour. Tentée à la fois par un glorieux clair de lune et par une relative fraîcheur venue de la montagne, elle voulait se rendre jusqu'à l'étang. Ombre légère dans la nuit claire, elle passa dans le parterre, descendit les vieux degrés de pierre qui menaient au parc. La pesante lumière nocturne détendait ses nerfs, mis à l'épreuve par la présence d'Agathe pendant le temps qu'elle avait passé aujourd'hui à Aigueblanche. L'ombre des vieux arbres l'enveloppa, la saine odeur de mousse humide et de résine fit glisser en elle un frisson de plaisir. Dans le silence, l'eau d'une source cachée s'égouttait le long d'une roche. Un oiseau de nuit ulula. Élisabeth avançait comme en un songe. Elle pensait à Willibald, à ce visage glacé qu'il opposait au sourire, au câlin regard de sa femme. Que lui avait-elle donc fait pour qu'il prît à son égard une telle attitude? Que lui avait-elle fait souffrir, cette Agathe? Mais, après tout, la seule obligation de vivre près d'elle, quand on avait une âme loyale et fière, ne suffisait-elle pas à expliquer cette étrange attitude de Willibald? D'autant plus étrange quand on l'avait vu si différent pour sa famille, pour elle-même, Élisabeth, depuis son retour. Sous sa réserve habituelle, elle avait appris à connaître sa valeur morale, à soupçonner en lui une sensibilité farouchement cachée. Quand il se trouvait en sa présence, aucun des mouvements de sa physionomie, aucune des variations de son regard ou des intonations de sa voix ne lui échappait. Elle ressentait à son égard une sorte de curiosité avide qui donnait pour elle à la vie un goût chaque jour plus vif. Au bord de la petite clairière apparaissait la maison d'Anselme, un rez-de-chaussée tapis sous son toit en pente raide. Une charmille bordait le jardin qu'elle dérobait au regard. À une fenêtre, le jardinier debout fumait sa pipe. Il marmonna un vague « Bonsoir, demoiselle !» auquel Élisabeth répondit distraitement. Peut-être était-il là, à cette même place, quand la jeune comtesse de Ruden était passée autrefois dans cette allée, s'en allant vers son destin tragique. Élisabeth n'avait jamais songé à le lui demander, l'humeur taciturne de ce vieillard morose n'engageant guère à la conversation. Quand elle atteignit l'étang, la pâle lumière d'un gris d'argent éclairait l'eau immobile. Élisabeth s'approcha de la berge, s'arrêta près de l'endroit où Daphné avait trouvé la mort. Les nénuphars, dans cette clarté lunaire, semblaient des fleurs de songe. Du cœur d'Élisabeth s'éleva une prière pour la mère disparue. Puis elle rêva un moment, les yeux attachés sur les plantes aquatiques. Elles étaient trop peu rapprochées de la berge pour qu'on pût facilement les atteindre. Comment Daphné avait-elle été assez imprudente pour vouloir en cueillir? Un ululement enleva Élisabeth à sa méditation. Le lugubre oiseau de nuit répéta sa plainte, seule atteinte au pur silence de l'heure. Élisabeth s'écarta de la berge et se dirigea vers le pavillon. Elle voulait y prendre son sac à ouvrage qu'elle avait oublié là dans l'après-midi. D'un geste vif, elle ouvrit l'une des portes vitrées. Puis elle eut un cri étouffé. Une femme, debout au seuil de la porte donnant sur l'étang, venait de se retourner brusquement. « Qui vient là? Qui ?» Deux yeux irrités dans un pâle visage s'attachaient sur Élisabeth. « Pardon, ma tante, j'ignorais !» Oui, c'était Calixte de Ruden, vêtu d'une ample robe de satin noir qui ne pouvait dissimuler complètement la déformation de son corps. « Tu es Élisabeth ?» Sa voix était légèrement rauque, comme celle d'une personne peu habituée à parler. Élisabeth se sentait dévisagée presque brutalement. « Oui, ma tante. Approche-toi, que je te vois mieux. » Élisabeth obéit. Calix lui saisit la main, l'attira près de la porte, dans la pleine clarté de la lune. « Florestine avait raison, tu me ressembles, » dit-elle. Élisabeth la considérait avec une compatissante curiosité. Ses traits amaigris étaient beaux encore, mais le rare attrait de ce visage se trouvait dans les yeux, brûlant d'un feu intérieur, animé d'une vie ardente, qui, de nouveau, scrutait Élisabeth. « Que venais-tu faire ici ?»« Chercher mon sac que j'avais oublié cet après-midi. Je m'excuse, ma tante, de vous avoir dérangée. » « Pourquoi choisir cette heure? Ton sac, tu l'aurais aussi bien retrouvé demain matin. Qu'est-ce qui t'attirait ici ?»« Principalement, le plaisir de revoir le lac au clair de lune. »« Ah, toi aussi ?»« Tout à coup, une note semblait fêlée dans la voix de Calixte. « Ne te laisse pas aller à ces rêveries, enfant, ce n'est pas bon pour toi. » Elle se détournait vers l'intérieur de la pièce et sa physionomie devenait moins distincte pour Élisabeth. Elle semblait respirer péniblement. Élisabeth, après une courte hésitation, dit résolument « Florestine m'a appris que vous refusiez de me recevoir, ma tante. Cependant, j'aurais été si heureuse, heureuse, heureuse de connaître une réprouvée comme moi. » Une sorte de rire douloureux soulevait sa poitrine. « Vous n'êtes pas une réprouvée, ma tante. Vous souffrez, mais ne pensez-vous pas que mon affection pourrait vous être douce ?»« Ton affection ?» Tout le corps de Calix semblait se raidir. « Je ne veux l'affection de personne !» Ces mots furent jetés comme un cri de désespoir qui fit tressaillir Élisabeth. « Ma tante, pourquoi ? Je serais si heureuse que vous m'aimiez un peu et que vous me permettiez de vous aimer !» « M'aimer, moi, tu voudrais m'aimer? Est-ce qu'on aime un démon ?» Sa voix sombrait dans un rauque sanglot. Ses yeux brûlants considérèrent un instant le jeune visage ému, stupéfait. « Va-t'en, ma fille, va! Laisse cette malheureuse à son tourment, tu ne peux rien pour elle !»« Eh bien, je pars, ma tante, mais si jamais vous souhaitez me voir, n'oubliez pas que je viendrai à votre premier appel. » « Laisse-la solitaire à son destin. Va vers la vie, toi qui es jeune, belle et qu'on aimera. » La voix se brisait de nouveau. D'un geste tremblant, Calix ramena sur ses cheveux grisonnants l'écharpe de dentelle blanche qui en avait glissé. « Et n'oublie pas ceci. Prends garde à ta belle-mère, Élisabeth. Prends garde !» Elle se détourna, franchit le seuil du pavillon et parut reprendre la contemplation qu'avait interrompue Élisabeth. Celle-ci sortit, oubliant le sac qu'elle était venue chercher dans les mois de cette rencontre imprévue, de ce contact avec une insondable, terrible souffrance morale dont le souvenir la faisait frissonner encore, tandis qu'elle s'engageait dans la pénombre de l'allée qui la ramenait vers le château. Et de quel ton étrange elle lui avait donné ce dernier avertissement concernant sa belle-mère. Pourtant, quel mal pouvait-elle encore lui faire, cette Judith qui, déjà, avait écarté d'elle son père et tenté de la rendre odieuse aux yeux des habitants d'Aigueblanche? Et comment Calixte pouvait-elle bien la connaître, elle qui était déjà renfermée dans la tour, au moment où Madame de Combron était entrée en relation avec les châtelains de Montparoux ?